Sacré Baba Basse, on n'a qu'à moi, ma voix, si bata. On n'a qu'à vous dire, ma boule, ma belle, la cabouki. Joka, cabelle, ma boule, ma belle, la cabouki. Jaye, mais ça, tout normal, tout à cabana. Oui, oui, oui. Jaye, mais ça, tout normal, tout à cabana. Eh, pas ta toile, tout maman. Tout va bien, mon ami, mon cachin. Tout va mal, il est bon, tu sais. Freddy Maloba. Paul.